pris les meubles, embarqué la maison. T'as mis le feu à la télévision. J'crois que j'ai compris pourquoi t'es parti loin de moi. Allez, reviens, je regarderai plus qu'un match par mois. Allez, reviens, je m'abonnerai plus au championnat. Allez, reviens, sur la console, je serai plus le roi. Et je serai plus câlin avec toi. T'as déchiré le poster de Cissé. Sacré mon t-shirt du PSG. Toi t'aurais préféré des soirées dans l'intimité plutôt que de se retrouver à 20 en plus des 11 mecs qui jouent sur des rats. Allez, reviens, je regarderai plus qu'un match par mois. Allez, reviens, je m'abonnerai plus au championnat. Allez, sur la console, je serai plus le roi. Et je serai plus câlin avec toi. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. T'as jeté ma chaussure dédicacée. T'en voulais plus. Au-dessus du canapé, tu les traitais gros gland. Les copains qui venaient en hurlant, encouragés parce que aussi ils le valent bien. Les 11 mecs qui jouent sur terrain. Allez, reviens, je regarderai plus qu'un match par mois. Allez, reviens, je m'abonnerai plus au championnat. Allez, reviens, sur la console, je serai plus le roi. Et je serai plus câlin avec toi. Pourtant, je faisais pas le difficile. Devant ta domicile, venaient faire leur démonstration de lingerie fine dans notre salon. Allez, reviens, je regarderai plus qu'un match par mois. Allez, reviens, je m'abonnerai plus au championnat. Allez, reviens, sur la console, je serai plus le roi. Je serai plus câlin avec toi. Allez, reviens. Allez, reviens. Allez, reviens. Allez, reviens. Je regarderai plus qu'un match par mois. Allez, reviens. Je m'abonnerai plus au championnat. Allez, reviens. Sur la console, je serai plus le roi. Je serai plus